Et c'est le Red Champagne. C'est une boisson unique, au goût unique. Et avec le beau temps qui arrive, il fait bon se désaltérer avec le Red Champagne, au goût qui nous ressemble. En ouvrant une bouteille de Red Champagne, vous sentez ce bon goût de pomme rouge. Au cours de l'été, ne vous privez pas du plaisir de déguster Red Champagne. Red Champagne, disponible partout. Philippe Simard et fils, distributeur de Red Champagne, salue le mois de l'arbre et de la forêt. Dernière chronique de l'année avec notre ami Phil Desgagnés. La société sylvicole du secteur de Mistassini œuvre dans le domaine de l'aménagement de la forêt et le reboisement forestier. Notre société emploie plus d'une centaine de personnes dans la région. La société sylvicole est située au 245 Dequin, secteur Mistassini, au numéro de téléphone 88-276-8080. Elle est très heureuse de souligner le mois de l'arbre et de la forêt. Grosse nouvelle, c'est une bombe qui est tombée vendredi après-midi au Saguenay, puis ça nous touche également. Cassandra Bradette, qui a été longtemps en patinage de vitesse, qui a représenté le Canada aux Jeux de Pyeongchang, a annoncé sa retraite. Question de savoir un peu, elle et son conjoint, d'ailleurs, Samuel Girard également, qui a décidé de prendre sa retraite. C'est encore plus surprenant que Samuel, on parle avec Cassandra Bradette. Salut Cassandra! Salut, Dani. Cassandra, c'est une grosse décision. J'ai fait plusieurs entrevues avec des gens qui ont pris leur retraite. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est le texte de Samuel. Ben, tout le monde l'a vu, d'ailleurs. La première question que je te pose, est-ce que ça faisait longtemps que tu y pensais? Non, parce que en réalité, l'an dernier, quand je suis revenue après le jeu, j'avais vraiment dans l'optique d'embarquer dans le prochain cycle, non à la fois, mais c'était aussi dans l'optique de me rendre jusqu'au jeu. Okay. Donc, j'avais pas vraiment, en arrière-pensée, je pensais pas que j'allais terminer ma carrière, puis tu sais, ça a été un peu, tu sais, ça a été pas une surprise, parce que, tu sais, là, à bien y penser, je pense que c'était quand même évident, j'avais réalisé un rêve, puis tu sais, avec la carrière que j'ai vécue, ça, tu sais, autant avec mon entraîneur, au niveau des blessures, la fatigue, l'horaire peu flexible qui, tu sais, j'étais toujours frustrée de tout ça. J'avais souvent des frustrations que je mettais un peu, tu sais, que je ravalais, puis finalement, ben, tu sais, là, avec tout ce qui s'annonce, nos projets à 5-6 mois, mes projets académiques à moi, ça fait en sorte que, tu sais, ça pesait plus dans la balance pour que j'arrête. Fait que ça a vraiment pris, je pense, tu sais, la bulle des jeux a éclaté, puis c'est ça que ça prenait pour me faire prendre compte de bien des choses. OK. Tu m'as dit avant d'entrer en onde, j'avais un dégoût profond de mon sport. Est-ce que c'est arrivé au mois de mai? Non, le dégoût, là, il est vraiment arrivé à la fin de la saison, quand je suis partie mars. Aux dernières Coupes du Monde, janvier-février, puis au championnat du monde en mars. OK. Parce que vous devez être tanné, est-ce que c'est un dégoût qui était là chaque année ou c'était encore plus prononcé cette année? Comme je disais, je pense qu'il était plus profond cette année parce que j'ai vraiment pris compte de tout ce que j'ai vécu à travers les années, puis c'est tout ce qui me déplaisait. J'étais plus capable de le camoufler puis de faire tout ça. Qu'est-ce qui vous déplaisait le plus? Les sacrifices, ton chum m'a dit, si on m'aurait permis de venir à Noël, de venir à la fête des pères, de venir à la fête des mères, peut-être qu'on parlerait de Samuel, on parlerait pas de Samuel Girard, l'athlète au passé. Est-ce que c'est un peu la même affaire? Ben exactement. Hier, je disais justement à Sam, je dis probablement que si j'avais vécu les jeux avant, j'aurais sûrement pris la même décision que lui, parce que c'est extrêmement difficile de s'exiler quand tu viens d'une petite région, puis que t'es proche de ta famille, tu laisses tes amis, puis que tu mets de côté les choses qui te tiennent à cœur parce que t'as la passion d'un sport qui est peu flexible. Puis tu sais, au bout du compte, le sport amateur, oui, il y a beaucoup de fierté derrière ça, mais tu sais, j'ai l'impression que c'est au détriment beaucoup de la personne en tant que telle. OK. Est-ce que ça va lancer une réflexion? Parce que je parlais avec Marianne ce matin, Marianne que je vais avoir demain également, qui va comment. Elle est en retraite depuis un an, fait qu'elle sait un peu de sûrement qu'elle comprend des affaires. Est-ce que tu penses que ça va lancer une réflexion sur les athlètes? Que vous n'êtes pas des machines, oui, certainement. Dans le fond? Oui, certainement, parce que dans le fond, on est tellement forcé à mener une vie là, robotique, à arrêter tout ce qui est autour pour se focaliser seulement sur l'entraînement. Ça fait en sorte que ça fait des personnes déséquilibrées. Quand tu prends ta retraite, ben, tu sais, nous, on s'est battu samedi, moi, justement, pour avoir un équilibre dans notre vie, de garder un tel école, d'avoir des intérêts personnels, puis d'avoir la conviction de les garder. Tandis que, des fois, tu finis par t'oublier, puis quand tu reviens sur tu deviens juste la personne puis que l'athlète fait plus partie de ta vie, ben c'est difficile de se retrouver là-dedans. OK. Y a-t-il moyen, j'imagine, que là, ça va lancer? Parce que là, tu sais, Samuel Girard, ça va faire mal à l'équipe canadienne. Cassandra, je ne veux pas te manquer de respect, mais tu n'étais pas ce que Samuel est. Tu comprends ce que je veux dire? Là? C'était la vedette, c'était ben, la vedette montante. Je pourrais l'interpréter mal, mais c'est correct. Oui, OK. Non, mais tu sais, dans le sens que Samuel, c'était la vedette montante de l'équipe canadienne. On se fiait sur lui pour remplacer Charles Hamelin. Ses preuves étaient déjà faites. Ça fait mal, là. Je veux pas à l'équipe canadienne, là. Est-ce que tu penses que ça va? Je pense qu'en général, ouais, le sport a perdu beaucoup de noms dans la dernière année. Le sport s'est vidé. Je sais pas si, y a quand même une couple de personnes qui sont parties. Fait que ça fait, je pense que peu importe la personne, je pense que c'est le lot en tant que tel qui va poser une réflexion pour le sport. OK. Est-ce qu'il y aurait moyen, selon toi, d'être aussi performant puis d'être moins rigide? Oui, oui, totalement. OK. Oui, oui. Tu sais, je veux dire, c'est pas... Des fois, on chicane pour quelques jours de congé, pour... Tu sais, surtout pour les gens qui viennent d'ailleurs, pour les gens de la région. Nous autres, on a un gros centre d'entraînement à Chicoutimi auquel on a accès. Fait que, tu sais, d'avoir 4-5 jours de plus à Noël, là, ça ferait rien pour nous autres. Tu sais, c'est des petites choses comme ça travers les années qui auraient pu faire une différence. OK, c'est sûr. Est-ce que l'athlète, est-ce que c'est obligatoire, d'après toi, parce que Marianne a performé, toi, t'as performé, tu t'es rendu très loin aussi, vous avez été dans la région, vous n'avez pas parti à 14-15 ans comme entre autres, j'en ai des exemples. Là. Est-ce que tu penses qu'il y a moyen de faire un bon bout de chemin dans la région au centre Marc Gagnon, genre? Oui. Totalement. Moi, je suis d'avis que c'est important sur le plan personnel, sur le développement physique, mental, de rester rester chez vous le plus longtemps possible parce que tu es en développement. Tu sais, à 17 ans, tu termines ou tu es prêt de terminer ton développement. Fait que pour moi, je pense que c'est important de garder le plus longtemps possible les athlètes dans leur milieu. Puis tu sais, en plus, ça fait en sorte que tu... En fait, moi, ça m'a créé des souvenirs. Ça fait en sorte que j'ai un gros sentiment d'appartenance envers ma région, puis que j'ai toujours la conviction que j'allais revenir en région. OK. Tu as eu une petite... ce que t'entends, ce que j'ai lu également lors de ta conférence de presse, j'avais une petite voix, puisque ça fait longtemps qu'on en fait, Cassandra, des entrevues, là, puis tu l'as pas eu facile. Là. Tu l'as vraiment pas eu facile, les blessures et ainsi de suite. Là. Puis tu disais, il y a une petite voix qui me disait, dans ce temps-là, qui me disait, faut que je continue. Là, la même petite voix disait, « Regarde, tu as le sentiment de devoir accompli, tu as fait ce que tu avais à faire. » C'est vraiment ça, oui. C'est vraiment ça qui est arrivé? Oui, c'est vraiment, ça s'est fait par étapes. Ça a vraiment été, j'ai eu la petite voix m'a dit, ça fait même pas une semaine, ça faisait un bout que, tu sais, il nous l'avait annoncé, lui, qu'il voulait arrêter. Puis moi, ben ça a vraiment été... À un moment donné, on m'a demandé, puis à toutes les fois, je me faisais demander si je continuais, je disais, je savais pas. Puis, en fait, c'était le vendredi avant la fête des mères, on m'a posé la question, puis c'est là la question, je me suis même pas posé de question, j'ai répondu, puis ça a été oui, c'est fini pour moi. OK, OK. Donc, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ben là, je vais continuer mes études. On est en train de planifier, en fait, on est dans les projets pour se construire une maison. Fait que là, on est en train de déménager de Montréal. À Ferland. Ouais. OK, OK. Puis là, dans le fond, on regarde ce qui est possible pour l'été. Puis là, ben dans le fond, on regarde les options qui s'offrent à nous parce que il faut qu'on déménage à Montréal. Puis idéalement, moi, je voudrais commencer mes études. En fait, pas commencer, mais commencer à l'UQAC pour finir mes études. Fait que c'est pas mal ça, là. As-tu le goût de t'impliquer pareil dans ton sport sans dire que tu mets une croix est-ce que là-dessus? Oui. Oui? Okay. Oui, oui. Pour moi, ça a toujours été clair que j'allais vouloir redonner à mon sport, de partager justement mon expérience pour montrer aux jeunes qu'il n'y a pas juste un chemin accessible, puis qu'il y a plusieurs options, puis c'est aussi d'apprendre à s'écouter puis de se faire confiance. Okay. C'est pas juste aussi dans le monde du sport où je veux redonner, c'est vraiment aussi à la société en général. Puis c'est ce que je fais d'ailleurs avec la randonnée du Gros Tiquet. Oui. C'est comme ça. Ben, Cassandra, merci beaucoup. C'est fort agréable. Félicitations pour ton ensemble de carrière. Félicitations surtout pour ta persévérance, parce que j'en ai fait des entrevues avec toi, puis c'était pas toujours facile. Tu te posais des questions. Je vais-tu continuer? Je vais-tu arrêter? Tu as eu des problèmes au dos aussi. Puis tu as réussi à aller aux Olympiques. C'est ça qui est le principal, là. Et, ouais. Bravo pour ta carrière, puis au plaisir, on peut tout avoir l'occasion de se parler. Merci beaucoup. De Saint-Félicien, Cassandra Bonnette, qui a annoncé sa retraite vendredi.